Bonjour à tous, bienvenue à la lecture de la Bible. Ce matin, nous sommes mercredi le 15 février. C'est Maxime, quel plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui, en ce matin un peu tempestueux, du moins ça l'est ici sur la côte de Beaupré, d'où je vous parle encore une fois. Alors, je vous souhaite à tous une belle journée et un bon temps de lecture ensemble. Donc, nous voulons commencer à l'instant avec notre texte en Exode. Nous lirons ce matin, dans la version français courant, le chapitre 39, du verset 1 jusqu'au chapitre 40, le verset 38. Avec de la laine violette, rouge et cramoisie, on confectionna les vêtements d'apparat destinés au service dans le sanctuaire, ainsi que les vêtements sacrés d'Aaron, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On confectionna l'éphod en fil de lin résistant, mêlé de laine violette, rouge et cramoisie, et on le broda de fil d'or. On avait découpé dans des feuilles d'or martelées de fines bandes que des brodeurs mêlaient à la laine violette, rouge ou cramoisie, et au fil de lin. On portait l'éphod au moyen de deux bretelles cousues sur ses bords. Les attaches de l'éphod, faites de fils semblables, étaient d'une seule pièce avec lui, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On prépara les deux pierres de cornaline fixées dans des montures en or. On y avait gravé les noms des fils de Jacob, comme on grave un cachet personnel. On les plaça sur les bretelles de l'éphod pour symboliser les 12 tribus d'Israël, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Des artisans confectionnèrent le pectoral en fil de lin résistant, mêlé de laine violette, rouge et cramoisie, et le brodèrent de fil d'or, comme l'éphod. C'était une poche carrée de 25 cm de côté. On le décora de 4 rangées de pierres précieuses. La première rangée comprenait un rubis, une topaze et une émeraude. La deuxième rangée, un grenat, un saphir et un diamant. La troisième rangée, une hyacinthe, une agate et une améthyste. Et la quatrième rangée, une chrysolite, une cornaline et un jaspe. Chaque pierre était fixée dans une monture en or. On avait gravé sur chaque pierre le nom d'un des 12 fils de Jacob, comme on grave un cachet personnel. Elle symbolisait les 12 tribus d'Israël. Pour le pectoral, on façonna deux chaînettes en or pur, tressées comme des cordes, deux montures en or et deux anneaux d'or qu'on fixa aux angles supérieurs du pectoral. On attacha chacune des chaînettes à l'un des anneaux du pectoral. On fixa leur autre extrémité aux deux montures d'or placées sur les bretelles de l'éphod, de telle manière que le pectoral se trouve sur le devant. On façonna deux autres anneaux d'or qu'on fixa aux angles inférieurs du pectoral, du côté qui touche l'éphod. On façonna encore deux autres anneaux d'or qu'on fixa au bas des bretelles de l'éphod, devant, à l'endroit où elles sont cousues. Ces anneaux étaient placés par-dessus les attaches de l'éphod. On relia les anneaux du pectoral à ceux de l'éphod au moyen d'un cordon violet pour que le pectoral reste par-dessus les attaches de l'éphod et qu'il ne se déplace pas sur l'éphod, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. La robe sur laquelle Aaron porte l'éphod fut entièrement tissée en laine violette. Pour passer la tête, il y avait en son centre une ouverture dont le bord était tissé et renforcé afin d'éviter toute déchirure. On décora le bas de la robe tout autour de fruits du grenadier en laine violette, rouge et cramoisie et en fil de lin résistant. On façonna des clochettes en or pur qu'on plaça également au bas de la robe tout autour entre les grenades. Les grenades alternaient avec les clochettes au bas de cette robe de cérémonie, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On tissa encore les tuniques de lin pour Aaron et ses fils, de même que le turban de lin, les étoffes de lin pour les tiares, les sous-vêtements de lin et la ceinture brodée en fil de lin résistant, mêlée de laine violette, rouge et cramoisie, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On façonna enfin l'insigne sacré, le bijou d'or pur en forme de fleur sur lequel on grava l'inscription « Consacré au Seigneur », comme on grave un cachet personnel. On le fixa au moyen d'un cordon violet au haut du turban sacré, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ainsi furent achevés les travaux concernant la tente de la rencontre, la demeure sacrée. Les Israélites avaient accompli exactement ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Les Israélites apportèrent à Moïse tous les éléments de la demeure. La tente avec ses accessoires, crochets, cadres, traverses, colonnes et socles. La couverture en peau de bélier teinte en rouge, la couverture de cuir et le rideau de séparation. Le coffre du document de l'Alliance avec ses barres et son couvercle. La table sacrée avec ses accessoires et les pains offerts à Dieu. Le porte-lampe en or pur avec sa série de lampes, ses accessoires et l'huile d'éclairage. L'autel d'or, l'huile d'onction, le parfum à brûler. Le rideau pour l'entrée de la tente, l'autel de bronze avec son grillage de bronze, ses barres et ses accessoires, le bassin pour les purifications avec son support, les tentures de la cour avec leurs colonnes et leurs socles, ainsi que le rideau pour l'entrée de la cour avec ses cordes et ses piquets. Tous les objets devant être utilisés dans le service de la tente de la rencontre, la demeure sacrée. Les vêtements d'apparat destinés au service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés du grand prêtre Aaron et les vêtements que ses fils devaient porter pour exercer leur ministère. Les Israélites avaient exécuté tout ce travail conformément aux ordres que le Seigneur avait donnés à Moïse. Lorsque Moïse vit que tout avait été fait selon les ordres du Seigneur, il bénit les Israélites. Le Seigneur dit à Moïse, le premier jour du premier mois, tu feras dresser la tente de la rencontre, la demeure sacrée. On y déposera le coffre contenant le document de l'Alliance, derrière le rideau de séparation, à l'abri des regards. On apportera la table sacrée et on y arrangera les pains qui me sont offerts. On apportera le porte-lampe et on en allumera les lampes. On placera l'autel d'or pour le parfum devant le coffre de l'Alliance. On fixera le rideau d'entrée de la demeure. On installera l'autel des sacrifices devant l'entrée de la tente. On placera le bassin des purifications entre la tente et l'autel et on le remplira d'eau. On dressera les tentures de la cour tout autour du sanctuaire et on mettra le rideau à l'entrée de la cour. Tu prendras l'huile d'onction et tu en verseras sur la demeure et tout ce qu'elle contient. Tu la consacreras ainsi avec tous ses accessoires. Dès lors, elle sera vraiment à moi. Tu verseras aussi de l'huile sur l'autel, des sacrifices et tous ses accessoires. Tu le consacreras ainsi, afin qu'il soit strictement réservé à mon service. Avec de l'huile également, tu consacreras le bassin et son support. Tu conduiras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu leur feras prendre un bain rituel. Puis, tu revêtiras Aaron de ses habits sacrés et tu verseras de l'huile sur lui pour le consacrer comme prêtre à mon service. Tu diras aux fils d'Aaron de s'approcher et tu les revêtiras de leur tunique. Tu les consacreras avec de l'huile, tout comme leur père, pour qu'ils me servent en tant que prêtre. Par cette onction d'huile, ils seront, eux et leurs descendants, consacrés pour toujours comme prêtres. Moïse exécuta scrupuleusement les ordres du Seigneur. Le premier jour du premier mois, une année après le départ d'Égypte, on édifia le sanctuaire. Moïse fit dresser la demeure. On mit en place les socles, les cadres et les traverses, de même que les colonnes. On déploya les toiles de tente sur la demeure, puis on plaça la couverture protectrice par-dessus, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit les tablettes de pierre des 10 commandements, et les déposa dans le coffre. On mit en place les barres du coffre et on recouvrit celui-ci de son couvercle. On l'introduisit dans le sanctuaire, puis on suspendit le rideau de séparation pour cacher le coffre, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On plaça la table sacrée dans la tente du côté nord, devant le rideau de séparation. On y arrangea les pains offerts au Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On plaça le porte-lampe dans la tente, du côté sud, en face de la table. On en alluma les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On plaça l'autel d'or dans la tente, devant le rideau de séparation. On fit brûler dessus le parfum sacré, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fixa le rideau d'entrée de la demeure, puis on plaça l'autel des sacrifices près de l'entrée de la tente. On y fit brûler un sacrifice complet et une offrande végétale, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On plaça le bassin entre la tente et l'autel, et on le remplit d'eau pour les purifications. Moïse, Aaron et ses fils utilisaient de cette eau pour se laver les mains et les pieds. Ils se purifiaient de cette manière chaque fois qu'ils devaient pénétrer dans la tente de la rencontre ou s'approcher de l'autel, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Moïse fit dresser les tentures de la cour tout autour du sanctuaire et de l'autel et suspendre le rideau à l'entrée de la cour. Il mit ainsi un terme aux travaux. Alors, la fumée vint recouvrir la tente de la rencontre et la glorieuse présence du Seigneur remplit la demeure sacrée, de telle sorte que Moïse ne put pas pénétrer dans la tente. Pour leurs déplacements successifs, les Israélites ne se mettaient en route que si la fumée s'élevait au-dessus de la demeure. Si la fumée ne bougeait pas, ils ne partaient pas. Ils attendaient le jour où elle s'élevait. Le Seigneur manifesta sa présence aux Israélites par la fumée qui enveloppait la demeure pendant le jour ou par le feu qui y brillait pendant la nuit, et cela tout au long du voyage. Nous enchaînons avec la lecture de notre psaume pour aujourd'hui qui est le psaume 35. Nous lirons les versets 1 à 16. Du recueil de David. Seigneur, sois l'adversaire de mes adversaires. Fais la guerre à ceux qui me font la guerre. Empoigne le petit et le grand bouclier. Interviens pour me secourir. Brandis la lance et la hache à double tranchant contre ceux qui me persécutent. J'attends que tu me dises, c'est moi qui vais te sauver. Honte et déshonneur à ceux qui veulent ma mort. Qu'ils reculent, déçus dans leurs espoirs, ceux qui projettent de me faire du mal. Qu'ils soient comme une paille emportée par le vent quand l'ange du Seigneur les pourchassera. Que leur route devienne sombre et glissante quand l'ange du Seigneur les poursuivra. Sans qu'ils aient rien à me reprocher, ils ont préparé un piège pour moi. Ils ont creusé une fosse pour que j'y tombe. Qu'un désastre imprévu les atteigne, qu'ils soient pris à leur propre piège et tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Mais moi, je serai plein de joie grâce au Seigneur. Je pourrai me réjouir de son secours. Du plus profond de mon être, je dirai, « Seigneur, tu n'as pas ton pareil. Tu délivres le pauvre des adversaires trop forts pour lui. Tu délivres le malheureux de ceux qui le dépouillaient. » De faux témoins se présentent. On me questionne sur des faits que j'ignore. On me rend le mal pour le bien, me voilà seule. Quand mes adversaires étaient malades, je manifestais ma tristesse, je m'humiliais en m'abstenant de manger, mais que ma prière revienne à moi sans effet. J'agissais comme pour un ami ou un frère. J'étais sombre et je prenais le deuil, comme si j'avais perdu ma propre mère. Eux s'attroupent pour rire de ma chute. Ils se liguent contre moi. Des étrangers, des gens que je ne connais pas, ne cessent de me calomnier. Ils rient de plus belle en me voyant trébucher. Ils me montrent leurs dents menaçantes. Enchaînons avec la lecture de Proverbes, chapitre 6, les versets 16 à 19. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas. Le regard orgueilleux, la bouche qui trompe, les mains qui font couler le sang innocent, l'esprit qui projette l'injustice, les pieds qui courent faire le mal, le faux témoin qui débite des mensonges. Mais il y en a aussi une 7e, l'homme qui sème la discorde entre frères. Nous voulons terminer notre temps ensemble avec La lecture du livre de Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 34. Quand Jésus vit toute la foule qui l'entourait, il donna l'ordre à ses disciples de passer avec lui de l'autre côté du lac. Un maître de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Quelqu'un d'autre, un de ses disciples, lui dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une grande tempête s'éleva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Jésus leur répondit, « Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible !» Alors il se leva, il parla sévèrement au vent et à l'eau du lac, et il se fit un grand calme. Tous étaient remplis d'étonnement et disaient, « Quel genre d'homme est-ce pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» Quand Jésus arriva de l'autre côté du lac, dans le territoire des Gadaréniens, deux hommes sortirent du milieu des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ces hommes étaient possédés par des esprits mauvais. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par ce chemin. Ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé? » Il y avait, à une certaine distance, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les esprits mauvais adressèrent cette prière à Jésus. « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » « Allez, leur dit Jésus. » Ils sortirent des deux hommes et s'en allèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et disparut dans l'eau. Les hommes qui gardaient les porcs s'enfuirent. Ils se rendirent dans la ville où ils racontèrent toute l'histoire et ce qui s'était passé pour les deux possédés. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus. Quand ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Prions. Père éternel, Seigneur, toi notre grand Dieu, glorieux, quelle joie de nous approcher encore ce matin ensemble devant ta glorieuse présence. Oui Seigneur, tu manifestes ta présence. On sait que tu es là, tu nous dis que là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, tu es là, au milieu de nous. Seigneur Dieu, tu n'as pas ton pareil, tu es saint. Quel grand Dieu nous avons! Nous voulons venir devant toi ce matin et te demander pardon pour notre regard orgueilleux, pour notre bouche trompeuse, pour notre esprit qui souvent projette l'injustice, pour nos pieds qui courent faire le mal, pour nos mensonges, pour la discorde qu'on entretient trop souvent avec nos frères. Et Seigneur, surtout, on veut te demander pardon parce que combien notre confiance est faible. Il est si difficile pour nous de te faire confiance, Seigneur, de te faire confiance entièrement, de te remettre nos vies, de te remettre tout le contrôle de nos vies. Combien c'est difficile pour nous. Oui, Seigneur Dieu, on te remercie parce que c'est toi qui es en contrôle et c'est le plus grand réconfort qu'on peut avoir sur cette terre. Merci, Seigneur, parce que tu nous remplis de joie, parce que grâce au Seigneur, nous pouvons être pleins de joie. Oui, mon Dieu, tu parles au vent et à l'eau. Tu maîtrises les flots, Seigneur. On voit dans le texte qu'on a lu en Matthieu que Jésus, tu pouvais parler à la mer et elle t'obéissait. Combien tu es grand et puissant. Et Seigneur, combien ça nous montre que nos vies sont entre les mains d'un Dieu qui contrôle toutes choses. Et ce matin, nous voulons vraiment apprendre de cette histoire et te demander de nous aider à te faire plus confiance. Seigneur, on veut placer vraiment toute notre confiance en toi. On veut lâcher prise sur le contrôle. On veut te remettre toutes nos inquiétudes et nos soucis. On veut les déposer au pied de ta croix afin de marcher en pleine confiance à ta suite. Et on veut te suivre. Marcher humblement à tes côtés. C'est notre prière pour ce matin. Père éternel, sois glorifié dans nos vies, dans nos paroles, dans nos actes aujourd'hui. Travaille nos cœurs, sois le potier et nous l'argile. Modèle-nous, façonne-nous, brise-nous, Seigneur, pour mieux nous façonner. Agis en nous, dans nos vies. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ce matin. Amen.